Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Nusu hwane sedzea zitu, wawe dotsone sedzeo wahanu zaliu. Nusu hwane sedzea zitu, wawe dotsone sedzeo wahanu zaliu. Montrez-moi où est l'enveloppe. Nesedze enveloppe vanialio. Nesedze enveloppe vanialio. Montrez-moi où est la clé. Nesedze il a clé vanialio. Nesedze il a clé vanialio. Montrez-moi où est le rasoir. Nesedze vanu rasoari yaliyo. Nesedze vanu rasoari yaliyo. Montrez-moi où est le verre. Nesedze havi vera yaliyo. Nesedze havi vera yaliyo. Montrez-moi où est le crayon. Nesedze i crayon valialio. Nesedze i crayon valialio. Montrez-moi où est le téléphone. Nesedze i telefoni valialio. Nesedze i telefoni valialio. Montrez-moi où est la montre. Nesedze u montru valialio. Nesedze u montru vanualio. Montrez-moi où sont les ciseaux. Nesedze vahanu makasi yaliyo. Nesedze vahanu makasi yaliyo. Montrez-moi où est le peigne. Nesedze vahanu ipeigne yaliyo. Nesedze vahanu ipeigne yaliyo. Montrez-moi où sont les lunettes. Nesedze vahanu lunettes zaliyo. Nesedze vahanu lunettes zaliyo.